Là, je m'excuse, mais si tu dis que les Israéliens, c'est des chiens, moi, je peux pas dire en ondes que les musulmans, c'est des rats. Là. C'est complètement débile. Là, tu comprends? C'est un jugement primaire et dénigrant. Et tout ce que t'as pas le droit de dire. Là. Ouais, mais c'est des discours que t'entends dans des mosquées. C'est des discours que t'entends dans les cercles musulmans. La haine des juifs, c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. C'est ça que les gauchistes ne comprennent pas, ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, ou ne veulent pas comprendre, lorsqu'ils prennent des pancartes pour faire la glorification du Hamas dans les rues de Montréal. C'est ça le problème. C'est que cette haine-là du juif, elle est généralisée dans les cercles musulmans. Généralisée. C'est ça qui est déplorable. Dans un monde idéal, moi j'aimerais voir Israël cohabiter avec un État palestinien moderne, structuré, indépendant et prospère. Que les deux se respectent et se reconnaissent, mais c'est pas ça la réalité. Ça arrivera pas. Ça tant qu'il y aura de la religion, pas. Ça arrivera pas. Là. C'est plus que ça. Tant que ces peuples-là ne reconnaissent pas Israël, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais c'est ça que je te dis. La religion les empêche de reconnaître Israël. Mais en même temps, l'Inde et le Pakistan cohabitent, Jean-Claude. Même s'il y a des tensions, il y a quand même cohabitation. Ouais. Il n'y a pas d'actes terroristes là, au cours des dernières nouvelles entre le Pakistan et l'Inde. Mais la religion musulmane... Ouais. Avec ses extrémistes, ouais. Je tiens à le préciser, là, est assez dur là à contrôler. Là, ils se font sauter avec des ceintures de bombes. C'est la haine là, d'Israël. En criant Dieu est grand, Dieu est grand. C'est ça, mais c'est la haine des Juifs qui fait ça. C'est de la religion extrême. Oui, oui. Tout à fait. C'est juste ça que je veux dire. Oh, oui. Tant qu'il y aura de la religion dans ce sens-là. L'extrémisme religieux. Ouais, mais de toutes sortes, là, ça arrivera pas. Il y a d'autres chicanes, là, je comprends, des chicanes de territoire, puis de richesse, puis de ressources naturelles. Il y a tout ça, là, mais je veux dire, la base là, d'agressif, là, c'est des religieux extrémistes. Mais la base, c'est le respect, c'est-à-dire la reconnaissance d'Israël comme pays. Et ces gens-là veulent anéantir Israël. Donc, ça avance à rien. C'est un dialogue qui avance à rien.